Il y a des événements dans notre vie qui, en tout cas dans ma vie à moi, qui m'ont poussé à remettre en question l'existence même de Dieu, qui ont tellement attaqué ma foi que je me suis posé la question si Dieu existait et s'il existait, s'il me considérait, si je faisais partie du plan quelque part, si jamais il existait. Ça a duré 2 ans, ça. Vous ne l'avez pas vu, j'étais ici parmi vous. Ou peut-être que vous l'avez vu et vous ne me l'avez pas dit. de 2009 à 2011, ça fait pas très longtemps. Sérieusement, je me posais la question, est-ce que Dieu vraiment existe? Puis, does he care? Pour moi, la réponse, elle était presque « he don't care ». Puis c'est un autre mot que j'avais en tête. Il s'en fout. C'était ça pour moi. Dieu, il n'en a rien à faire de moi. Dieu, c'est comme le Dieu de Einstein. C'est un horloger. Il a remonté l'horloge. Maintenant, arrangez-vous avec. Okay? Donc, c'est comme ça que je vivais. Jusqu'à un événement très particulier en juin 2011 où Dieu m'a montré ou m'a remontré qu'il était là et qu'il voulait et qu'il désirait prendre soin de nous en tant que famille et en tant qu'individu. Les choses ont changé dans ma vie à partir de ce moment-là. Il y a eu une autre conversion. Pour la xème fois. Et le texte qui m'est revenu, c'est celui-ci, où Jésus est au dernier repas. Il est avec ses disciples au dernier repas. Il y a une conversation avec chacun d'eux. Ils viennent de voir, Judas s'en aller. Et puis il parle avec Simon, puis il dit, « Simon, fais attention. » Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Jésus n'a pas prié pour que Satan ne passe pas Simon au crible. Il a prié pour que sa foi ne le quitte pas. Il y avait une possibilité. Il y a quelque chose là la foi, on peut la perdre. En tout cas, Jésus n'a pas l'air de dire que c'est impossible ici. Et là, il parle à Simon qui a marché sur les eaux, qui a marché sur l'eau. Il parle à Simon qui a vu les miracles et tous les miracles, qui a vu la transfiguration, qui a vu tout ça. Il y a d'autres disciples qui n'ont pas tout vu ces miracles-là. Il était avec Jésus lors de la guérison du malade à la piscine de Bethesda. Ils étaient juste 3 dans cette piscine, dont Simon. Donc, tout ça, Simon l'a vu et puis là, il dit, « J'ai peur que tu perdes la foi. Et je prie pour pas que ça t'arrive. Et lorsque tu seras revenu, prends soin. » Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Je raconterai pas vraiment les détails, mais ça a été vraiment compliqué pour moi. Donc, ce matin, je devais partager sur un psaume, c'est ce que je vais faire. Et j'ai lu 3 psaumes. Le psaume 121, le psaume 136 et le psaume 37. Je savais pas lequel faire ou est-ce que j'allais faire les 3. C'est ça. Donc, c'est ça. Et le psaume 37 est assez long, il y a 40 versets. Alors, non, j'ai dit non. J'ai choisi le psaume 121 pour une raison particulière. Un, c'est un chant connu. Hein? Je lève les yeux vers les montagnes. Hein? Ça, c'est le chant de psaume 121. Et aussi parce que c'est un psaume qui me posait problème. C'était comme, c'est pas sûr que ça arrive comme ça. Hein? Ça me disait comme, voyons donc, de quoi il parle? Alors, je vais vous lire le psaume, et puis je vais le lire tranquillement, OK? Donc, je sais que vous avez tourné vos Bibles, je ne vous ai pas averti, mais je vais vous demander de les fermer. À part, maybe you, if you want to really understand, but I'm going to read very, very slowly, so if you can close your Bible. Je lis le psaume 121. Ouais. Vous pourrez lire les trois psaumes, c'est des psaumes magnifiques. C'est ça. Je vais le lire très tranquillement, OK? J'aimerais juste que vous ayez un esprit de méditation, un esprit de recherche de qu'est-ce que Dieu a à vous dire à travers ces versets, OK? Donc, il va peut-être vous arriver des images, des photos en tête. Partagez-les ensuite, OK? Des idées, n'importe quoi. Il y a quelque chose, une pensée qui vous vient à la tête, on aura le temps de partager, OK? Sur qu'est-ce que c'est, OK? Donc, ne vous fiez pas à l'horreur de ma voix, écoutez juste le psaume, OK? OK? Je vais essayer de le lire tranquillement. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait la terre et le ciel. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre pour te protéger. Durant le jour, le soleil ne causera aucun mal, ni la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de ton malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant jusqu'à toujours. Qu'est-ce que vous voyez dans ce psaume? Quelles sont les images, les pensées, les choses qui vous sont venues en tête pendant que je lisais le psaume? J'ai vraiment vu l'image comme l'Éternel est vraiment le gardien de nos vies. Des fois, peut-être qu'on ne voit pas, justement, que s'il est là, on ne le ressent pas. Mais à un moment donné, il est tout le temps là. C'est parce que des fois, on ne le garde pas à bonne place ou on laisse nos soucis nous envahir souvent. C'est souvent l'effet de demander qu'on ne le perçoit pas ou qu'on dit où est-ce que tu étais. T'es. Mais oui, il était là. C'est vraiment un gardien. Puis le seul gardien, oui. Bien, moi, le verset qui m'a toujours... c'est un psaume que j'ai souvent lu, puis le verset qui me touche particulièrement, c'est quand il dit « L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège ». C'est vrai que, comme Pierre dit, on le voit pas souvent, on le sent pas souvent, mais juste de croire ça, qu'il est à notre côté comme une ombre qui nous protège, c'est l'espoir de nos vies, c'est ce qui nous c'est ce qui soutient nos vies. C'est ça, je le dis. Mais moi aussi, ce psaume m'a toujours soutenu. Donc, à chaque fois quand j'ai un problème, je lis toujours ce psaume-là. Même quand tu as posé la question tout au début, moi, j'avais déjà ouvert ce psaume-là. Puis quand tu as dit tu avais trois psaumes, 121, puis l'autre, moi, je dis, waouh. Donc, le Saint-Esprit a parlé au même moment. Donc, c'est ça. Moi, c'est plus le secours éternel. Donc, quand je pense à ça, je ne m'inquiète plus. Je sais que Dieu va toujours me secourir. Donc, peu importe la situation, peu importe la difficulté, et quand je lis, je regarde qu'il est le secours éternel, mais c'est un réconfort pour moi. Je ne crains plus, puis je mets tout mon espoir en lui. Je sais que le secours éternel me viendra de Dieu. Mmh. Oui. Il y a la montagne. Je lève les yeux vers les montagnes. C'est une question qui vient après. D'où viendra le secours? De où? Qui viendra me secourir? C'est un point d'interrogation qui vient après. Israël a été fondé sur une montagne. Le pays est montagneux. Israël est habitué de regarder les montagnes. Les dieux païens habitent sur les montagnes. C'est là qu'on fait les autels aux dieux, parce qu'ils sont plus élevés. Aujourd'hui, on pourrait poser la question, on pourrait se dire, je lève les yeux vers les clochers. Je lève les yeux vers les mosquées, tous ces édifices religieux hauts, très hauts. Ça, c'était les montagnes au temps d'Israël. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'est pas habitué d'aller sur le Mont-Royal pour se poser la question s'il y a un Dieu qui va nous répondre. Hein? On va plus à l'église, le bâtiment. À Châteauguay-Maisonneuve, il y a un clocher à tous les coins de rue, qui devient des condos de plus en plus, mais ça nous rappelle quand même la présence de Dieu dans une ville. Si on roule, juste rouler sur le autoroute 20, entre le centre-ville, pour aller vers le pont Champlain, regardez au sud, vous allez voir les clochers, hein, ils dépassent tous, partout. On en voit, Saint-Henri est rempli de clochers, autant qu'à Hochelaga-Maisonneuve. Je lève les yeux vers les clochers, mais d'où me viendra le secours? Est-ce que je vais pouvoir aller à l'église pour avoir ce secours? Que ce soit l'église romaine catholique ou l'église protestante évangélique ou l'église protestante. Le psalmiste ici, David, dit « Le secours me vient de Dieu. » Et il n'est pas sur la montagne. Donc, c'est lui qui a fait la terre et les cieux. C'est lui qui a tout fait. Il ne réside pas sur une montagne. Le Nouveau Testament nous dit qu'il habite en nous maintenant. Si on l'a reçu, si on l'a accueilli, c'est en moi que je dois regarder, mais pas dans mes propres forces, mais dans le Saint-Esprit qui habite en moi, si je suis le temple du Saint-Esprit. Dans mon cas, de 2009 à 2011, j'ai souillé ce temple. Je me suis posé la question, c'est quoi le gardien? Et j'ai eu tout de suite la pensée de Ézéchiel, le texte qui dit « Je t'ai établi comme sentinelle ». Et là, je voyais Dieu comme un sentinelle qui avertit des dangers. Mais j'ai aimé la notion de gardien, la notion, j'avais pas vu la notion de celui qui garde, qui protège. Le sentinelle avertit, il peut pas protéger contre l'ennemi qui arrive. C'est juste un sentinelle qui regarde et qui avertit. Le gardien, il protège, vraiment. Quand j'engageais quelqu'un pour prendre soin de mes enfants à la maison, je voulais qu'ils protègent du danger. S'il était pour avoir un danger, je voulais que cette personne-là puisse les protéger, les enlever du danger. Moi, je suis un gardien pour mes enfants. Et Dieu est un gardien. Mais pour ça, pour qu'il soit un gardien, je dois dépendre de lui. Si je lui déclare l'indépendance, il va garder rien. Parce que je suis assez grand pour me garder tout seul. Hein. Donc, alors ça... Ça m'a aussi vraiment posé question. Là où je me suis posé beaucoup de questions, c'est le soleil le jour et la lune la nuit. Je vous mets au défi de rester au soleil et voir qu'il ne vous arrivera rien. Si on le prend littéralement, il y a un problème. OK? Sérieusement, je me suis posé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprenais pas trop. Donc, j'ai cherché, puis le commentaire qui m'a le plus éclairé, c'est un commentaire de Adam Clark qui dit « Ni le jour de la prospérité ou la nuit de la diversité ou la chaleur de la persécution ou la froideur des amitiés. Tout ceci travaillera au bien de l'Église. » Je vais le répéter parce que c'était très beau. Là, c'est une traduction libre, là, c'est en anglais. Le jour de la prospérité ou la nuit de l'adversité, ou la chaleur de la persécution ou la froideur des amitiés, tout ceci travaillera au bien de l'Église. Donc, il n'y aura pas de mal, ni le jour ni la nuit. Encore une fois, la dépendance envers lui. Je lève les yeux. Est-ce que je dépends d'autres dieux? Est-ce que je dépends de moi? C'est ça la question que pose le psalmiste dès le départ. Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Est-ce que je serai secouru des autres dieux? Puis après, il dit, il garde ta vie. Ça veut dire quoi ça, il garde ta vie? On a partagé quelques difficultés, certains dans la vie d'autres. Mais peut-être qu'on est. C'est plus facile de partager les difficultés dans la vie des autres pour lesquelles on prie que pour les nôtres. Ça challenge un peu plus quand on s'avance sur notre propre vie. Mais on en a tous. Il y a tous des moments dans nos vies où on se pose la question, est-ce que Dieu est avec. C'est quoi son nom? Hein? Non? Béni. Moïse, ça c'est ton nom. Béni. Est-ce que Dieu est avec Béni? Est-ce que Dieu est là derrière cette maladie? Est-ce que Dieu a causé cette maladie et pourquoi il la permet s'il ne l'a pas causée? Est-ce que Dieu est avec Zacharie, mon fils? Est-ce que toutes ces maladies, toutes ces difficultés, pourquoi ça arrive? Dieu garde ma vie? Qu'est-ce qui arrive? On vit dans une époque où dans l'Église, il y a un genre de mouvement où Dieu est tellement amour qu'il ne... Comment je pourrais dire? Il est totalement absent de tout le mal qui nous arrive. Parce qu'il est amour. Et Dieu est absent de tout le mal qui nous arrive. Et il y a tellement de choses en ce moment qu'on lisez des livres, allez sur Internet, les prédicateurs. Hein. Il y en a plein, ça pullule partout, partout, partout. Dieu est tellement amour qu'il est totalement absent de tout le mal qui nous arrive. Dieu ne corrige pas. En tout cas, certainement pas, comme on pense qu'il nous corrige. C'est un bon père de famille, donc tout ce qu'il fait, c'est « tu feras mieux la prochaine fois ». Mais ça, c'est ce que j'entends, c'est ce que je lis. Et ça me pose problème. Mais je l'ai cru. Ça m'a amené à perdre la foi. Mais il est où Dieu s'il garde ma vie? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Myriam? Si Dieu n'est pas derrière les maladies, pourquoi est-ce qu'il a corrigé Myriam par la lèpre? Ça, c'est toute une question. Je n'ai pas la réponse, sérieux. Okay? Tout ce que je sais, c'est que Myriam a eu la lèpre. Et que c'est par l'intercession de Moïse qu'elle a été guérie. Il y avait un but à ça. Il y avait un but très, très spécifique. La médisance que faisait Myriam envers son frère. Et elle devait être exclue de la communauté parce qu'elle causait plus de problèmes qu'elle faisait de bien. Pourtant, c'était une femme de foi. Une femme extraordinaire. Qui avait la foi. Puis là, nous, si on avait vécu dans ce moment, on aurait dit, non, non, Dieu est certainement pas derrière ça. C'est pas Dieu qui a donné la lèpre à Myriam. Elle a juste chopé le truc. Et puis Moïse a prié, puis elle a été guérie. OK? Ça, c'est ça. Alors que c'est pas ce qui est écrit. OK? Dieu a corrigé Myriam. Il garde ma vie. Ça me pose... Ça, c'était la partie la plus difficile pour moi dans ce psaume. À cause de tout ce que je lis. Où Dieu semble être absent du mal qui nous arrive. Et ce texte semble dire ça. Dieu garde ma vie. Il ne m'arrivera rien. Ni le jour, ni la nuit. Hein? Le soleil ne me fera pas de mal. Ni la lune. Donc, quand je lis ce psaume, ça m'encourage à dire non, non, il n'y a rien, là. Il n'y a pas de correction. C'est ce que je croyais. Je faisais des choses et puis je disais, de toute façon, Dieu n'en a rien à faire, il ne corrige pas. Il n'y en a pas de correction. Le plus grand mal que l'humanité a subi, il n'y a rien de pire hein, qui est arrivé pour nous donner le salut. C'est la croix. Donc, si on croit que Dieu n'utilise pas les choses qui, à nos yeux, sont mal, la croix est l'horreur la pire. C'était le supplice le plus immoral, amoral qui existait au temps des Romains. Plus de 800 Juifs ont été crucifiés au temps des Romains, dont celui qui nous amène la vie éternelle. Donc, si on croit que Dieu est absent de tout le mal qui nous arrive, on peut se poser la question, qu'est-ce que Jésus croyait sur la croix? Est-ce que Dieu est là ou pas? Okay. Hein? Et lui, il le savait. Donc, c'est des questions que j'ai. Je n'ai pas les réponses, hein. Je vous les laisse comme ça. Okay? Je vous les drop dans votre cours, puis vous répondrez vous-même. Mais je peux dire une chose, c'est simplement que notre définition du bien et du mal est erronée. Et c'est parce qu'on définit mal le bien et le mal que l'on croit que Dieu n'est pas derrière le mal. Parce que la Bible dit « Il ne trame pas le mal ». Mais c'est quoi le mal dans les yeux de Dieu? C'est pas le même que dans mes yeux à moi. Pourquoi? Parce que j'évalue le mal selon mes propres expériences. Si je grandis dans une famille où tuer, c'est la norme, tuer, c'est pas mal. Je prends un extrême, là, OK? Correct? Si je grandis dans une famille où voler, c'est correct, ça dérange pas. J'ai grandi dans une famille de voleurs, puis on est devenus les meilleurs voleurs du monde. Voler, c'est mon métier. C'est pas mal. Je gagne ma vie avec ça. Je nourris mes enfants. Voler, c'est pas mal. Hein? Donc, mon évaluation du bien et du mal est erronée et différente. Et je crois que c'est pour ça qu'on attribue à Dieu du bien ou du mal de manière différente. Donc, mais ça, c'est encore une fois de la manière dont moi je le vois. Il a dit à Pierre, « Je prie pour que tu ne perdes pas la foi. » Pas, je prie pour que tu sois épargné de l'épreuve. Donc, ce psaume pour moi me rappelle que Dieu utilise tous les moyens possibles pour me garder avec lui et il prie pour que ma foi demeure. Donc, c'est à vous. J'ai dit ce que j'avais à dire. Daniel, il faut que tu prennes ça ici. Conclue avec le micro. Ce que j'en conclurais, c'est que nous sommes dans une certaine forme de liberté. Dieu nous laisse libre. Mais il est en arrière puis surveille. C'est comme ça que je verrais l'exposé de ce matin. Il surveille dans le but de peut-être pas nous laisser tomber si on est dans un malaise ou dans un périple. Mais il nous laisse libre. Et à partir des expériences de vie, si on le garde dans notre esprit, dans notre façon d'être, bien, il va peut-être nous donner la solution, mais on va l'avoir expérimenté par nous-mêmes. C'est comme ça que je verrais ce qu'on était informé ou formé ce matin. Moi, j'aurais juste une question. Mais là, tu tombes en temps. Comme ouais. Ça. Juste une question. Ce psaume-là, je l'ai souvent lu. Et c'est pas comme Moïse, c'est pas mon psaume préféré. Bon, mon psaume préféré, c'est psaume 23. Le psaume 121 qui commence par « Je lève les yeux vers la montagne, d'où me vient mon secours ?» Depuis que je suis chrétien, j'ai toujours posé une question. Toujours. Et si Dieu ne sauve pas ? Pas sauver dans le sens sauver mon âme ou sauver la vie éternelle, non. Dans le sens, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la maladie, si Dieu ne sauve pas, si Dieu ne répond pas, dans la persécution, si Dieu ne me délivre pas, so what? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je prends un exemple. J'avais une soeur dans la foi, une amie, Yvonne, qui était malade. On a beaucoup prié pour elle, mais elle est morte. Et c'est nous-mêmes qui l'avons enterré. J'étais parmi ceux qui ont creusé la tombe. J'étais parmi ceux qui ont creusé sa tombe. Et c'était la première fois que je pleurais depuis 11 ans, 11 années, depuis que je suis assez jeune. 11 années, je n'ai jamais versé une larme dans toutes les épreuves. Et là, ce jour-là, c'était un coup dur. Vraiment un coup dur. Mais ça n'a jamais remis en cause, dans ce cas-là, ma foi, parce que ce n'est pas que je ne compte pas sur le secours. Mais c'est que je compte pas sur le secours. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On me fait toujours poser la même question. Je dis, mais est-ce que notre foi se base sur la capacité ou la volonté de Dieu de nous délivrer? Parce que le jour où il ne délivre pas, est-ce qu'on est déçu? Moi, personnellement, quand je prie pour une délivrance, quand je prie pour une réponse, quand la réponse vient, c'est un bonus. Moi, je suis content. Mais quand la réponse ne vient pas, ça me pose plus de problèmes que ça. Je sais que Dieu a une raison ou une autre de ne pas vouloir répondre à ce moment-là. Maintenant, ma question que moi je me pose, c'est est-ce que c'est la fatalité ou est-ce que c'est la foi? Et ça, j'ai du mal quand même. C'est une question que je voulais poser à Glenn, mais peut-être qu'il me trouve une réponse. Est-ce que c'est la fatalité ou c'est la foi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que parfois, il peut ne pas répondre. Je crois que non est aussi une réponse. Tu voulais-tu dire quelque chose? Oui. Non, non, ça fait partie des réponses. Tantôt, c'est aussi une réponse. Pas tout de suite. Pas maintenant. Il n'y a pas de réponse. Hein? Il n'y a pas de réponse. C'est ça. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Mais pas de réponse. Mais si je pose la question à Dieu, si je prie pour la guérison, qu'elle ne vient pas. Ben, il y a deux ou trois possibilités. C'est non. Oui, je te vois. Non. Non. Pas encore. Ou tout à l'heure. Hein? Attends un peu. Tu sais? C'est ça. Exactement. Ou je vais te donner autre chose. C'est ça. Exactement. Il y a un passage quand Paul demande de le délivrer de son écharpe dans la chair. Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Puis moi, c'est comme ça, je vois ça. Ça fait pas toujours mon affaire, mais je pense pas que Dieu est là pour nous délivrer de tous nos petits bobos. mais moi, je lui demande la grâce de le passer avec lui. C'est ça. C'est une très, très bonne question. Hein? Si Dieu ne répond pas, est-ce que je garde la foi? Est-ce que je ne la garde pas? Je vous laisse avec ça. Il est 11h30. Je vous aime. Bonne semaine. Dans la chaleur.